c'est un plaisir de vous retrouver sur RIG 90.7. C'est la saga des Fab Four numéro 543. Nous sommes le 23 novembre 2022. Et c'est la dernière émission du mois de... Enfin, de l'année 2022, oui. Je vous le dis dès le début, si vous preniez cette antenne pour la première fois, alors que nous en sommes à la 543e émission sur RIG, je vais prendre des vacances, moi aussi, mais seulement parce que je dois me faire opérer de l'épaule, ce qui va me laisser 2 mois sans pouvoir conduire, donc sans pouvoir venir ici à la radio. C'est dommage. Donc... on va faire la fête avec un hommage à George Harrison, puisque il est parti le 29 novembre 2001, il y a 21 ans dans quelques jours. Et donc nous allons écouter des chansons soit chantées par George Harrison, soit qui ont été créées par George Harrison. Que ça, il n'y aura rien d'autre. Il y aura du Harrison, il y aura du Traveling Wilburys, et puis dans l'ordre ou dans le désordre, du Jeff Lynne, du Eric Clapton, du Gary Brooker, du Joe Brown, du Sam Brown, du Tom Petty, du Billy Preston, du Ringo Starr et du McCartney. Oui, un petit peu quand même. Pas de Lennon, donc j'en connais un qui va rester sans... Vous allez boire un café, et ce sera très très bien, jusqu'à 22h. Passer un petit peu, hein. Si on déborde, ce sera pas dramatique. Voilà pour l'ambiance de ce soir. Je vous souhaite une bonne saga des Fab Four. Je vous retrouve sur le site Facebook, la saga des Fab Four sur Facebook. Et à tout de suite. Nous allons explorer quelques titres de l'album All Things Must Pass. Voici le premier, c'est The Ballad of Sir Frankie Crisp sur RIG. Perpetual mirth. Let it roll over all your véritable chef-d'œuvre, cet album-là. Et quand vous pensez un petit peu à ça, vous vous dites, ça, ce sont plus ou moins des chansons qu'il avait faites pendant le temps des Beatles. C'est-à-dire, si Lennon et McCartney lui avaient accordé un peu plus de temps, une partie de ces chansons-là serait sortie du temps des Beatles. Et ça aurait été également très, très, très bien. Et lorsqu'il dit, George Harrison, et l'image est parfaite, il dit, lorsque j'étais avec les Beatles, c'était un peu comme si j'étais constipé. Et puis, quand je suis sorti des Beatles, tout s'est relâché, si vous voyez ce que je veux dire. Eh bien oui, All Things, oui c'est classe, All Things Must Pass, c'est le fantastique album, et on en écoute un troisième extrait, Run of the Mill sur RG. Has comme le dit Yann sur Facebook, dans le groupe La Saga des Fab Four, je vous convie à acheter la dernière version de l'album qui fête les 50 ans de cet album-là, All Things Must Pass, parce que le son a été déspectorisé, c'est-à-dire qu'on a enlevé une grosse partie du travail du mur du son de Phil Spector et on a rehaussé des instruments. On entend des sons que l'on n'avait pas pu entendre auparavant. Et ça montre encore plus le génie d'un certain George Harrison, dont on écoute une nouvelle chanson, mais plus de cet album All Things Must Pass, mais de l'album suivant, Living in a Material World, en 1973. Voici Don't Let Me Wait Too Long, ne me fais pas attendre trop longtemps. RIG 90.7, on rend hommage à George Harrison. Les albums solo de George Harrison ce soir, mais pendant seulement un certain temps, puisqu'après, on va laisser la place entièrement au concert. Enfin, j'ai enlevé quand même le côté indien, hindou, parce que on est en France et c'est un petit peu difficile à écouter, je trouve. Mais le concert avec toutes les légendes, il va être en intégrale, puisque j'ai même ajouté la prestation de Sam Brown, qui vaut quand même son coup d'oreille. Et si vous avez le DVD, son coup d'œil, parce qu'elle était très très belle en 2001. Et je suis persuadé qu'elle est encore très très belle. Nous avons écouté Ballad of Sir Frankie Crisp, Let It Roll, puis Hear Me Lord, suivi de Run of the Mill, puis What Is Life. On a écouté What Is Life, ah tiens, et Don't Let Me Wait Too Long. Avant d'écouter la suite, je vous propose de faire un tour du côté du sponsor de l'émission, de celle qui vous permet de tout savoir sur les Beatles. C'est le site de Lovely Rita. Mais vous allez me poser la question, qui est Lovely Rita? Lovely Rita, c'est la responsable du Beatles Magazine à Londres. Et si vous voulez tout savoir sur John, Paul, Ringo, George, il vous suffit d'aller sur BeatlesMagazineUK.com. C'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est lu par des milliers de fans à travers le monde. Et vous avez toute l'actualité des Beatles, y compris celle de Paul et de Ringo. Bref, toute l'actualité, c'est sur Beatles Magazine, uk.com. 24h sur 24, 7 jours sur 7, même 8 jours, 8 days a week. C'est la saga. In the queue to go to the Cosmic Empire. I'm on a front row view down at the Cosmic Empire. An omnipresent view down at the Cosmic Empire. Shining clear, it feels right there. Where one world's all disappear, it shines bright there. Down at the Cosmic Empire. Down at the Cosmic Empire. Cosmic Empire. To where our souls are filled with joy, can't resist the spirit no one can destroy. You find bliss there. Down at the Cosmic Empire. Cosmic Empire. At the Cosmic Empire. Cette chanson est restée longtemps inédite et introuvable jusqu'à... Alors, soit on l'avait sous le manteau, comme moi, par exemple, soit on a eu à attendre la ressortie de l'album All Things Must Pass, et là on a cette chanson là Cosmic Empire de George Harrison. Je vous ai cherché sur le bouquin de George Harrison quelque chose à dire dit par George Harrison. Bah sur celui-là, il s'est pas embêté, il n'a rien dit, et carrément il a seulement mis les paroles, ce qui est déjà pas mal, mais je vous en mets un morceau sur Facebook à l'instant, mais il n'a pas fait de commentaire particulier sur celle-ci. Voici un autre morceau de guitare, Deep Blue sur R.I.G. When the sunshine is not enough to make me feel bright, it's got me suffering in the dark. So easy come by on the roadside from one long lifetime. It's got me deep blue. No, I'm deep blue. When you stammer, watch tired bodies full of sickness, and painters show you just a help. You really are when you get down to the truth, it hurts me. It's got me deep blue. No, I'm deep blue. Thank you. got me deep blue. No, I'm deep blue. When I think of the life I'm living, pray God help me. Give me your light so I can love you and understand this repetition that keeps me here. You know I'm deep blue. Oh, I'm deep blue. It's got me deep blue. No, I'm deep blue. No, I'm deep blue. When the sunshine is not enough to make me feel bright, suffering in the darkness, it's so easy to come by on the roadside of one long lifetime. You know I'm deep blue, got me deep blue. You know I'm deep blue, it's got me deep blue. Sir Frankie Crisp était quelqu'un qui avait fait construire le manoir dans lequel George Harrison a fini par vivre. Et il avait vu George Harrison sur le mur, sur l'un des murs, écrit ceci: "Scan not a friend with a microscopic glass. You know his fault. Now let his foible pass. Life is one long enigma, true, my friend. So read on, the answer's at the end." En regardant ça pendant des années, et comme je trouvais ça plutôt très chouette, j'ai décidé que je pourrais essayer d'en faire une chanson. C'est la version de Nina Simone de Isn't It a Pity qui a influencé l'esprit et le milieu de cette chanson-là. Voilà ce que George Harrison a dit en anglais et que j'ai tenté de vous traduire directement. Voici cette chanson en 1975 sur Extra Texture Read All About It. Je vous rappelle la trouvaille de ce titre d'album. C'était sur un paquet de pâtes, il avait marqué ça. Et comme George Harrison avait toujours du mal pour donner un nom à une chanson ou donner un nom à un album, il a dit, ben voilà le nom de l'album, c'est Extra Texture, Read All About It. Mais cette chanson est très belle. The Answers at the End, sur RIG. Now let his foibles pass. nous sommes en 1976 et l'album 33 and One Third, Monsieur George Harrison, et cette chanson de Cole Porter à l'origine True Love. Il existe une pléthore d'autres versions de True Love. Je vais vous citer au hasard comme ça en piochant par Elvis Presley en 1957, par Patsy Cline en 61, en 60... alors là, ça m'étonnerait parce qu'il y a écrit 1900 par Grace Kelly. Je suis sûr que c'est pas 1900, je ne sais pas, ça doit être dans les années 50. Elton John et Kiki Dee l'ont chanté en 1993. Et le dernier en date, c'est Harry Connick Jr. en 2019, cette belle chanson. Mais George Harrison, lorsqu'il faisait des reprises, il les faisait à sa sauce et souvent très très très bien. Prenez par exemple Got My Mind Set On You. Allez, on écoute une autre chanson, on revient du côté des inédits qui n'en sont plus avec Saucy Milk dans quelques instants, la prise numéro 1. George Harrison. If your life's all right, doesn't satisfy you, you don't get the breaks like some of us do. The most from everything you do in the shortest time your dreams come true. In no time it all makes it more worth. Simple process takes you there. Much without illumination. Pull around with every different color. Only one thing really brings us all. Get out of the summer sea. You don't belong there. To the river, where they take me my rocking chair. Going down to the river, gonna take me my rocking chair. And if the blues don't leave, gonna rock all the way from here. Shine. If you want me, woman, please don't pass me by. I love those sidelines. always glances. Your shoulder and your thigh. I see inside your eyes the battle's side, the reasons why I love you. So if you're still busy hiding what it is you've got, and if you're frightened of losing what you like a lot, you may be cruising backwards while thinking that you're not. You know what I feel. If you don't get the picture, then you won't have a depth of feel. You may be going someplace, someplace you've already been. Chanson cool du dernier album de George Harrison. L'album s'appelle Brainwashed. Je vous propose, avant d'aller au Traveling Wilburys, ce sera pour la chanson d'après. On fait un petit retour sur 1975, mais c'est le remaster de cet album-là qui nous a permis d'entendre This Guitar Can't Keep From Crying, mais dans une nouvelle version par George. Myself out on a limb, but I'm happier than I ever been. But this guitar can't keep from crying. Learn to get up when I fall, and even climb from the stone wall. Thank you. voyez, au bout de 543 émissions, ici sur RG simplement, on peut être un amateur éclairé et être tête en l'air, parce que je vous ai dit que c'était une version différente. Oui, c'est ce que j'avais prévu de vous passer, sauf que la chanson que vous venez d'entendre, c'est la version normale sur le remaster. Il existe deux fois cette chanson, et je me suis trompé de chanson. Ah oui, qu'est-ce que vous voulez? Ça arrive, c'est l'âge. Depuis 1984, cette émission, et elle marche de mieux en mieux. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter cette émission sur 90.7 pour ceux qui sont dans la région de Bordeaux, et sur www.rigfm.fr pour le reste de Bordeaux, de la France, de l'Europe et du monde. Et même, à ce qu'on m'a dit, peut-être de l'univers. Mais allez savoir. Nous allons en 1988 cette fois-ci. George Harrison demande à Bob Dylan d'utiliser son studio à Malibu pour enregistrer une chanson, Handle With Care, qui doit apparaître en face B de This Is Love, tirée de son album solo Cloud Nine. Il amène Roy Orbison et Jeff Lynne, avec qui il déjeunait ce jour-là. Dylan et Tom Petty, présents eux aussi, se joignent à la séance qui tourne à la fête. Ainsi, les Traveling Wilburys voient le jour. À l'origine, Tom Petty n'était pas censé faire partie du groupe. Mais George Harrison, ayant oublié une guitare chez lui, il l'invita à se joindre à eux en allant récupérer celle-ci. Handle With Care est détourné de sa destination originelle, pour laquelle les producteurs la jugent d'ailleurs trop précieuse pour une phase B, et devient la première pièce d'un album écrit par les cinq complices et enregistré en 10 jours chez Dave Stewart, des Eurythmics. Vous suivez? Faites des petites flèches pour arriver à comprendre. Cet album, Traveling Wilbury Volume 1, sort en octobre 88. Chacun des partenaires apparaît sous un pseudonyme, tout en étant censé être demi-frère de la famille Wilbury. La vidéo correspondante arrive également sur MTV sans la moindre mention de leur identité réelle et avec un suspense visuel habilement ménagé, ce qui crée aussitôt des interrogations. S'agirait-il de sosie? Les voix sont pourtant bien celles des cinq artistes et le doute est vite levé. L'effacement voulu des égos pour servir la musique elle-même crée un engouement inattendu et l'album, pensé au départ comme une simple fête collective, est acheté par 5 millions de personnes. Il se classe dans le top 100 des meilleures ventes des albums d'albums des années 80. Un second album est immédiatement mis en chantier. Malgré la mort de Roy Orbison en décembre 88, les quatre autres poursuivent leur collaboration et le deuxième album du groupe, intitulé à dessein Traveling Wilbury Volume 3, paraît en octobre 90. Son succès est cependant moindre que celui du premier album. Il est vrai que la voix de Roy Orbison n'est plus là. Mais ils avaient prévu également une tournée. Mais finalement, ça ne se fera pas. Mais c'était quand même une originalité qui plaisait à George Harrison puisqu'ils étaient tous des stars, mais aucun ego plus fort l'un que l'autre. C'est un peu ce que reprochait George Harrison à Paul McCartney, entre autres. John Lennon aussi. Voici Heading for the Light et Hand of the Line, les deux extraits de l'album Traveling Wilbury Volume 1 sur RG. Close to the edge, hanging by my fingernails.

C'est vrai que ces cinq personnes n'avaient rien à prouver, c'était juste une réunion de copains, et je trouve que ça se sent. Deux ans plus tard sort le volume 3, qui est en fait le volume 2, c'est de l'anglais ça, c'est de l'humour anglais, et il n'y a plus Roy Orbison, et pourtant, c'est bien quand même. Inside Out et Wilbury Twist à la suite. Roll up your rug, roll up your rug. Moi, j'avais envie de faire hi-ha à la fin. C'était donc les Traveling Wilburys. Maintenant, pour le restant de l'heure et un petit peu plus, je vous propose l'intégralité de la deuxième partie du concert organisé en l'honneur de George Harrison par ses potes. Le concert for George est un concert organisé le 29 novembre 2002, donc il y a quasiment 20 ans. Et Dieu sait que j'aurais voulu être présent, voir toutes ces légendes que j'aime tant ensemble et rendre un hommage vraiment, vraiment appuyé. En hommage donc au musicien George Harrison, ancien membre des Beatles, mort un an plus tôt. Préparé à l'initiative de sa veuve Olivia et de son fils Danny, il a été conçu par Eric Clapton et Jeff Lynne. Nombre d'amis du guitariste y participent, comme Paul McCartney, Ringo Starr évidemment, Ravi Shankar, mais ça on le laissera de côté, Billy Preston, Tom Petty et les Monty Python. Là on va le laisser de côté aussi parce que j'ai pas eu le temps de l'enregistrer, mais ça valait le coup d'œil et le coup d'oreille. Les bénéfices du concert seront reversés à la fondation, voilà, c'est le mot que j'ai cherché, Material World Charitable Foundation, une association caritative fondée par George Harrison. Un album et un DVD en sont ensuite issus. Qu'est-ce que je peux vous dire? Des musiciens, allez, je vous les recite. Eric Clapton est au guitare, il en a plusieurs au cours de ce concert. C'est aussi le directeur musical, celui qui a donné les ordres à tout le monde. Jeff Lynne, Tom Petty, Joe Brown, Albert Lee, Mark Mann, Andy Fairweather, Lowe, Danny Harrison, forcément Paul McCartney, ont fait des guitares acoustiques et des guitares électriques. Gary Brooker, Jules Holland, grand pote d'Harrison, Chris Stanchion et Billy Preston au clavier, McCartney au piano, entre autres. Dave Brown's Klaus Voormann, grand copain des Beatles, à la basse. Jim Keltner, Ringo Starr, Jim Capaldi, Andy Spinetti à la batterie. Ray Cooper, celui-là c'est un fou, il est aux percussions avec d'autres copains. Jim Horn au saxophone, Tom Scott au saxophone aussi. Et puis il y a eu dans les chœurs notamment Sam Brown qui vaut vraiment, vraiment le coup d'œil et le coup d'oreille parce qu'elle a une voix extraordinaire. J'ai lu quelque part que depuis quelque temps, elle s'est retirée parce qu'elle a eu quelque chose sur les cordes vocales qui ne lui permettent plus de chanter. Eh bien c'est drôlement dommage. On va s'arrêter régulièrement pour pouvoir parler un petit peu, mais voici l'intégralité avec la chanson de Sam Brown de ce concert extraordinaire. Et c'est sur RIG, dans la saga des Fab Four 543, en hommage à George Harrison. We'll be right back. C'est Jeff Lynne qui a ouvert la marche avec le premier titre qui était I Want to Tell You. Puis à l'instant, Eric Clapton et If I Needed Someone. Il faut se rendre compte que lorsqu'ils font des titres des Beatles, c'est jouable. Mais lorsqu'ils vont attaquer tout à l'heure les chansons, par exemple, de All Things Must Pass, il y a eu des tas de réenregistrements pour un mur de son. Eh bien, le mur de son, ils vont le recréer sur scène en étant 3 ou 4 batteurs, en étant 5, 6, 7 guitaristes, je ne sais plus. Il faut avoir le DVD parce que c'est un grand moment de voir ça, à défaut d'avoir pu être ce 29 novembre présent au concert. Vraiment, vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire. On écoute la suite. Gary Brooker, d'abord, avec Old Brown Shoe, toujours donc des Beatles. Et puis, on commencera gentiment les chansons de George Harrison en solo, avec Jeff Lynne à nouveau et Give Me Love. C'est sur RIG et c'est dans la saga des Fab Four. Aujourd'hui, on rend hommage à George Harrison. What's wrong? I want a short haired girl who sometimes wears it twice as long. Now I'm stepping out this old brown shoe. I'm trying to drag me down. When I see your smile replacing every thoughtless frown. Yeah, you got me escaping from this zoo. Baby, I'm in love with you. So glad you came here. Won't be the same now I'm out with you. When I grow up I'll be a saint. Une petite anecdote au sujet de ce concert. Paul McCartney, à un moment, dira « C'est marrant parce qu'on a tous vieilli, sauf George. » Et il désigne Danny. Parce que c'est vrai qu'en 2002, Danny Harrison avait une folle ressemblance avec le George Harrison du début des années 60. C'était très impressionnant. La suite, le concert. C'est encore Eric Clapton, « Beware of Darkness ». Suivi par Here Comes the Sun par Joe Brown sur RIG. Watch out now, take care, beware of falling swing. Dropping all around you. The pain that often lingers in your fingertips. Beware of darkness. Watch out now. Take care. Beware. avec un autre titre, That's the way it goes. C'est toujours un hommage à George Harrison, c'est Joe Brown qui est au lead. Merci Joe. Curieusement, ils n'ont pas mis sur le CD la chanson qui s'appelle Horse to the Water, chantée par la belle Sam Brown. Et ça manque, mais c'est sur le DVD. Donc on peut toutefois l'écouter. La voici cette version. Merci Sam. Elle est aussi choriste pour les Pink Floyd qu'elle sait. Can make him dream. Oh no. Vous êtes sur RIG 90.7, c'est la saga numéro 543 et la dernière de l'année 2022 malheureusement, puisque je vais partir au moins 2 mois, quelque chose comme ça, le temps de me faire opérer d'une épaule, et je reviendrai milieu janvier, si tout va bien, dès que je pourrai à nouveau conduire. Je vous promets de revenir et de toute façon de vous donner des nouvelles. Nous restons sur cet hommage à George Harrison, l'hommage par ses copains. Ils sont multiples, il a eu beaucoup d'autres copains que seulement ceux qui sont venus chanter. Mais il y a par exemple Jeff Lynne, Eric Clapton, Gary Brooker, il y a Joe Brown, Sam Brown, Tom Petty et The Heartbreakers qu'on va écouter dans quelques instants, Billy Preston et bien entendu ses potes de toujours, Ringo Starr et Paul McCartney. Voici donc Tom Petty par 2 fois, et après 3 fois même en fait, pour 2 titres des Beatles, Taxman et I Need You sur RIG. Tom Petty and the Heartbreakers. Oh, 1, 2, 3. Let me tell you how it will be. There's 1 for you, 19 for me. 'Cause I'm a tax man. To be too small. just gonna add Jeff Lynn and Danny in for a traveling Wilburys and all that. Entendu Tom Petty and Heartbreakers, il y avait Jeff Lynne, il y avait également Danny Harrison sur cette chanson-là. Attention, nous attaquons un gros morceau. Voici Isn't It a Pity sur RG. Si je me souviens bien, c'est Eric qui commence et il passe la parole à Billy Preston. Explain when not so many people can see we're all the same. And because of all their tears, their eyes can't hope to see the beauties that surround them. Isn't it a pity? Très envie de laisser courir le disque parce qu'il est vraiment trop bien. Maintenant, voilà, Ringo Starr arrive. Je ne sais pas s'il va le dire là, mais il dit que il ne voit plus cette chanson de la même façon maintenant que son copain est disparu. Écoutons s'il le dit. Anyway, what a band, what a night. You know, I love George, George loved me. And I'd like to do two numbers for you tonight. One, George and I wrote together. It's called Photograph. And the meaning's changed now, of course. And, you know, he loved Carl Perkins, so I'm going to do... Voilà, il a dit le ça a changé. Le sens des paroles a changé. C'est plus un homme qui se rappelle d'une femme, c'est un pote qui se rappelle un autre pote. Mais je l'ai un peu coupé, que George Harrison était fan de Carl Perkins. Donc voici un autre titre avec Honey Don't. Toujours Ringo qui chante. Well, how wrong you say you will when you won't. Say you do, baby, when you don't. Everything about you is a doggone sweet. You got that sand all over your feet. But Honey Don't. I say you will when you want. Saturday night. Sunday morning, you don't look right. You've been out painting the town. Uh-uh, baby, been stepping around. Uh-uh. Thank you. I love you. Gives me great pleasure now to introduce another friend of George's, Paul McCartney. Merci Ringo. Et juste avant de parler de Paul McCartney, je vous signale qu'il est plus de 22h. Vous ne retrouvez pas Eric et son fantastique Johnny de A à Z, mais promis, il reviendra très très vite. La suite de la saga, la dernière de 2022, c'est justement Paul McCartney plusieurs fois et une chanson qu'il pourrait reprendre en concert au lieu de reprendre toujours la même, qui est bien, bien entendu, mais on aimerait bien qu'il change un petit peu, s'il te plaît, Paul. Voici For You Blue, chanté par Paul McCartney pour son pote George. what a night. Thank you all for coming. Thank you for Olivia and Danny for inviting us all. Sometimes if you go around to George's house after you'd had dinner, the ukuleles would come out. And one time, not so long ago, we were playing, and I said, there's a song I do on the ukulele. I played it for him, play it for you now. Qu'est-ce qu'il dit tout le temps? Les ukulélés sortaient lorsqu'il allait voir Georges. Il chante something. It strikes me like no other lover. Something in the way she woos me. I don't want to leave her now. Well, you know I believe her now. Smile, she knows that I don't need no other lover. Something in her style that shows me I don't want to leave her now. Well, you know I believe her now. Asking me where my love goes, but I don't know. I don't know. Well, you stick around now, it may show. Question d'arrêter. All things must pass à venir. While my guitar gently weeps, my sweet lord. Et puis, presque avant la fin, wawa, apprêtez-vous à monter le son au maximum. RIG, c'est c'est un hommage à George Harrison dans la saga des Fab Four. McCartney et Eric Clapton pour un Wild Man Guitar Gently Weeps d'anthologie. See you. La saga des Fab Four rend hommage à George Harrison ce soir. Voici My Sweet Lord, Billy Preston sur RIG. Love. attention pour l'avant-dernière chanson. Tous les batteurs, il y en a quatre, se vont y aller. Et tous les guitaristes, il y en a plein, plein, plein, vont y aller à fond. Un mur de son, voici Wow Wow, sur RIG 90.7, la radio des Beatles. I just wanted to say, you know, from the bottom of my heart, thank you to all the musicians here who played on everything. You guys, you're my dad's dearest friends. I love you guys so much. He loves you, and it's the most beautiful thing we could be doing on today. Thank you very much, Eric, Dylan, and Anne. God bless you all. God bless you all. Have a nice night. Joe Brown. Debout pour applaudir toutes ces légendes. Merci à toutes et à tous d'être restés aussi longtemps. Et voici le générique, la dernière émission de 2022. Merci vraiment, vraiment. Et vous allez me manquer. Je vous donne rendez-vous, alors en principe, vers le 18 janvier. Si jamais je respecte pas ce rendez-vous, ce sera parce que mon kiné m'aura dit que ça n'est pas possible. Mais je vais faire ce que je peux pour écouter ses conseils et pouvoir reprendre la route le plus vite possible et pouvoir refaire des sagas. Merci, je vous embrasse et à très bientôt. Je t'avoue que tu es ému. À très bientôt. Ciao. Yeah.